Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 3 février 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, c'est Martin Pelletier et le libre journal de la liberté surveillée. Je reçois ce soir un nouveau visage, Monsieur Abosi, et non pas Abosit, qui est avocat. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons parler ensemble des migrants, et plus précisément de la façon dont on en parle, dont on en parlait, dont on en parle maintenant, le changement de discours à propos des migrants, qui a peut-être une signification politique. Alors pour commencer, on va vous présenter un peu, puisque le principe de cette émission, c'est progressivement de présenter de nouveaux visages de la droite au sens large. Alors, qui êtes-vous ? Ben écoutez, je suis avocat au barreau de Paris. C'est ma profession. C'est pas honteux ? Non, tout à fait, bien au contraire. Je me suis fait connaître il y a quelques années en écrivant un petit bouquin, né en 1984. C'est peut-être votre année de naissance ? Oui, tout à fait, ouais. C'est un petit jeu de mots. C'est un petit jeu de mots avec, bien entendu, le roman de Orwell. Bon, c'est pas le livre du siècle. Vous savez, quand les gens viennent me voir et me demandent d'acheter mon livre, je leur dis, si vous avez de l'argent pour acheter mon livre, achetez-vous plutôt un petit Baudelaire, un petit Coston, un petit Bainville. Ça, ce sont des grands, évidemment, c'est difficile de se comparer tout de suite à bien des entendu. Gens comme ça. Mais voilà, donc pour que l'acte d'achat soit utile, je renvoie directement vers ces grands auteurs. Donc voilà, et puis j'interviens sur divers sujets, sur ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, cette opinion publique qui naît sur le net et non plus à la télévision. Oui, alors cette nouvelle opinion publique, elle s'intéresse à quoi ? Bah écoutez, déjà, c'est une opinion publique qui est en grande partie jeune, et ce sont des gens qui viennent aux idées nationales. Oui, alors, juste mettez-vous en face de votre micro, c'est-à-dire déplacez le micro, voilà, comme ça. Donc, vous disais-je, la nouvelle opinion publique est constituée essentiellement de jeunes, même si c'est pas que ça, hein, bien entendu, hein, c'est pas une réalité monolithique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des gens qui ne viennent pas du tout des milieux de droite authentiques. Quand je dis de droite, on se comprend, hein, on parle pas de l'UMP, enfin, devenu Les Républicains. On parle de la droite qu'on va dire plutôt plus contre-révolutionnaire, la droite Léon Daudet, la droite Xavier Vallat. Oui. Donc ce sont des gens qui, en raison des souffrances engendrées par le mondialisme, n'adhèrent plus à l'idéologie dominante, n'adhèrent plus au lavage de cerveau républicain et qui viennent peu à peu aux idées nationales et, par on peut le dire, un petit peu aussi au catholicisme. Et en venant de n'importe où, de nulle part et d'ailleurs. Exactement, exactement. D'accord. Alors maintenant que les choses sont situées, on va parler un peu des migrants, parce que moi, il me semble que c'est le sujet, il n'y en a pas d'autre aujourd'hui, le sujet, c'est cette vague qui submerge l'Europe, et qui a été pensée pour submerger l'Europe. Alors, depuis Cologne, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, on a dit... qu'il y avait des femmes allemandes qui avaient été molestées et même pour certaines violées. Est-ce que l'opinion publique se renverse et est-ce que surtout les médias commencent à tenir compte de la vérité ? Je crois qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les opinions publiques européennes ont connu deux temps, si vous voulez. Le premier temps, c'est le temps de l'hystérie collective et le temps de l'ivresse. On se rappelle de ces images en Allemagne, des trains de migrants qui arrivent, accueillis par des foules totalement délirantes. On avait l'impression que c'était des rockstars qui avaient dans ces trains. Non, c'était bien des migrants. On se rappelle aussi, à Copenhague, j'avais vu des images d'une manifestation absolument gigantesque, réunissant des dizaines de milliers de personnes pour un pays qui est à peu près 10 fois moins peuplé que la France, qui avait ce fameux slogan « Refugees welcome ». On avait vu également aussi... Donc ça veut dire « Bienvenue aux réfugiés ». Exactement, oui. C'était une citation, je précise. Oui, mais c'est en français, il faut toujours traduire. Vous faites bien, oui. En France, il y a eu des manifestations, mais qui étaient beaucoup plus, restreintes, beaucoup plus minces. Pourquoi ? Bah, parce que je pense qu'en France, il y a bien longtemps que le peuple français a déchanté par rapport à la question migratoire. Donc certes, il y avait quelques réseaux qui se sont activés pour faire l'équivalent d'un bienvenu aux réfugiés, mais ça n'a pas tellement pris, hein, parce que je pense que niveau migration... Ça ne marche plus chez nous. Voilà, si vous voulez, là, nous sommes sevrés. Nous sommes sevrés. La coupe est pleine, si je puis dire. Saturée, plus encore que sevrée. Ouais, tout à fait. Donc, il y a eu ce premier temps de l'hystérie collective. Mmh. Et le problème, c'est que le mondialisme étant ce qu'il est, il produit des méfaits, et au bout d'un moment, on ne peut plus mettre la réalité sous la table. Et au bout d'un moment, on commence quand même à se rendre compte que ce qui se passe à Calais, ça commence à ressembler à une ville dans la ville. On commence à prendre conscience que parmi les meurtriers, les terroristes du 13 novembre, il y avait des chances pour la France, il y avait un Gaulois converti à l'islam, mais il y avait aussi ce que ce cher Francis Huster appelle un futur Montaigne. Et puis... Comme vous l'avez évoqué, vous avez ce fait absolument choquant de Cologne, qui effectivement est marquant, puisqu'on voit des femmes qui deviennent des véritables proies pour des gens qui se comportent, comme des sauvages. Mais ça n'a pas été immédiat, si vous vous souvenez. Exactement. Dans les deux premiers jours, les médias ont fait le blackout. Tout à fait. On tue la vérité. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que nos médias marchent de la façon suivante. Lorsque une vérité... dissonne avec les schémas préétablis politiquement correct et du mondialisme, eh bien cette réalité doit être étouffée. Le problème, c'est que lorsque cette réalité est trop grande, eh bien elle n'est plus étouffable. Et au bout d'un moment, l'Allemagne, si vous voulez, c'est comme un pays voisin, sur lequel on est systématiquement branché d'ailleurs en ce moment. Et quand le scandale prend en Allemagne, au bout d'un moment, il y a des secousses sismiques qui se produisent également en France. Et aussi, rappelez-vous, je vous évoquais tout à l'heure la nouvelle opinion publique. Eh bien, la nouvelle opinion publique a fait ce travail de réinformation et a évoqué cette fameuse agression, ce viol, c'est plus qu'un viol collectif qui s'est produit à Cologne. Et soit dit en passant, que découvre-t-on quand on regarde le dossier de près ? Que la plupart des agresseurs n'étaient même pas des Syriens ou des Afghans, mais c'était des Algériens et des Marocains. Ce qui laisse bien supposer que ces vagues de migrants ne sont pas forcément que des gens qui, entre guillemets, fuient la guerre. D'accord. Mais est-ce que la question, c'est... Est-ce que les Allemands n'ont pas réagi, finalement ? Tout le monde finit par réagir, parce que ce qui était en cause, c'était des femmes, c'est-à-dire les plus faibles, d'abord. Et puis ensuite, l'histoire de l'Allemagne, histoire récente, quand même, s'est caractérisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par des viols de dizaines de millions d'Allemandes. Oui, par les Russes. Par les Russes, et pas seulement par les Russes. Ouais, hein. Ouais. Donc, est-ce que, justement, là, enfin... Comment dire, la réalité est revenue par le réflexe extrêmement instinctif. Alors, la réalité avait déjà commencé à revenir. Autant, soyons très clairs, à la tête de l'Europe, nous avons des gouvernements, que je me permets d'appeler collabos, qui mettent en œuvre l'idéologie mondialiste sous l'ordre de leurs dirigeants anglo-américains. Donc, Mme Merkel est payée pour mettre en œuvre une politique mondialiste. Le problème, c'est que la facture commence à être très élevée. Et rappelez-vous, dès le mois d'octobre à peu près, on a commencé à fermer les frontières. Donc déjà, le peuple allemand commençait à sentir que, en plus, le nombre de migrants qui sont venus en Allemagne est chiffré à 1 million. 1 million en l'espace de 3 mois, c'est une invasion. C'est une invasion. J'emploie les termes de M. Giscard d'Estaing sur l'immigration-invasion. C'est un terme qui a été utilisé par le président Giscard d'Estaing, qui est maintenant 90 ans. Membre de l'Académie française. Donc En 1991, déjà. C'est pas n'importe qui, M. Giscard d'Estaing. Les Allemands ont connu cette invasion. Le problème, c'est que vous savez très bien que les opinions publiques ouest-européennes sont tétanisées par le politiquement correct. Il y a une sorte de dérive totalitaire qui fait que lorsque l'on déroge au politiquement correct, nous sommes victimes d'ostracisme. Donc, le seul moyen de pouvoir se plaindre d'un dégât collatéral du mondialisme, c'est de pouvoir le faire non pas sur la base d'un motif enraciné, patriotique, national, c'est de le faire en raison d'un motif mondialisto-compatible. Et la question des femmes est, si vous voulez, est mondialisto-compatible. Le féminisme est mondialisto-compatible. Donc, nous ne nous opposons pas à l'invasion des migrants au nom du respect des frontières, au nom de notre pays, de l'identité de notre pays que nous voulons protéger. Nous nous opposons à la venue des migrants au nom du féminisme. D'accord. C'est toute la tartufferie du système. Et en même temps, c'est aussi, si on regarde les choses du point de vue de l'image, le grand soutien aux migrants est venu par l'image d'un petit garçon noyé. Oui, tout à fait. Et, oui. Et la fin du soutien vient par l'image des centaines de femmes molestées. Oui, tout à fait. Voilà. Au bout d'un moment, la réalité nous rattrape. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que on voit un pays comme la France s'effondrer en l'espace de 30 ans comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire de France. À part les années qui ont suivi le traité de Verdun en 843, on n'a jamais vu un tel effondrement. On a vu 1420, le traité de Troyes n'était pas très brillant. Certes, mais si vous voulez, l'effondrement n'était pas aussi rapide. C'est qu'entre les premières défaites de Philippe VI et le traité de Troyes, il y a quand même 50 ans. Et je vais vous dire une chose, c'était beaucoup moins grave parce qu'à l'époque, il y avait seulement le corps de la France qui était atteint. Aujourd'hui, c'est les âmes, c'est l'âme de la France et l'âme des Français qui est atteinte. Et ça, c'est un mal, je pense, qui est beaucoup plus grave. Mais c'est un lavage de cerveau qui s'est fait sur 30 ans. Et la question qu'on se pose, c'est combien de temps les Français vont accepter d'être soumis à des politiques antinationales ? C'est la question de fond. Et cette question-là, justement, des migrants, en poussant jusqu'au bout le délire mondialiste, peut-être on va toucher enfin le fond pour pouvoir rebondir. Peut-être. Est-ce qu'il faut attendre l'espoir et, je dirais, la lumière venant de l'Est, étant donné qu'on voit quand même certains actes, en Hongrie, le mur... Tout à fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Et justement, et puis il y a aussi des déclarations, la déclaration du Premier ministre slovaque, la déclaration du président, tchèque, sur lequel on va revenir, mais parlons d'abord de la Hongrie. Ce qui est frappant en Hongrie, c'est quand même un gouvernement centriste, de Viktor Orban, qui est à l'Europe, il est inscrit au PPE, qui prend des décisions que la droite la plus musclée en France, c'était pas grand-chose. Hein, comme la France n'existe plus vraiment en France depuis 1944. Bon, quelle est votre façon de voir la Hongrie ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau européen, effectivement, on arrive à la période de la gueule de bois. La Suède, qui avait accueilli 160 000 migrants, va en renvoyer la moitié. La Slovaquie, si je ne me trompe pas, dit « Nous voulons bien recevoir des migrants, mais que des chrétiens. » Au Danemark, on met en place une loi de spoliation, qui en France serait anticonstitutionnelle, je pense. Dites loi de spoliation, j'aime pas trop le terme, mais... De confiscation, Oui, confiscation, ouais. Expliquez de quoi il s'agit. En fait, si j'ai bien compris les termes de la loi... La police a le droit de se saisir des effets des migrants, c'est-à-dire par exemple de leur montre, de leur téléphone portable, de leur bracelet ou que sais-je encore, pour financer leur accueil au Danemark. Au-dessus d'un pécule de 1300 euros par personne tout de même. Alors ça, je ne savais pas. Oui, tout de même. Et nous arrivons à la Hongrie, et alors peut-être que mes informations ne sont pas bonnes, mais je crois que l'armée maintenant a permis de tuer pour... Ah ça, moi je ne suis pas au courant, c'est possible. Ce qu'on peut dire de la Hongrie, qu'avons-nous vu comme image? Nous avons vu les gardes frontières hongrois repousser à coups de matraque des gens qui tentaient de forcer leurs frontières, et nous avons vu un gouvernement soutenir ses forces de l'ordre dans ce sens-là. Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que ça nous fait bizarre. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir... des gouvernements qui trahissent les intérêts de la France, qui prennent des décisions qui sont objectivement contraires aux intérêts de la France, que de voir un gouvernement défendre les frontières de son pays, eh bien écoutez, on en ressent quand même un petit pincement de jalousie. Et je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie. Ce soir, je reçois Adrien Bozit, avocat, et qui est venu parler du changement d'image et de discours à propos des migrants. Alors, vous avez parlé de la Suède. C'est vrai que la Suède va donc renvoyer chez eux 80 000 faux demandeurs de droit d'asile par tous les moyens. Ça va prendre plusieurs années. Ça a été... c'est déjà programmé en quelque sorte par le ministre de l'Intérieur, avec l'aide de toute la classe politique suédoise. Ce qui est très frappant, c'est que la Suède était considérée jusque-là, je dirais, comme la bonne élève de l'immigrationnisme. C'était même... C'est le pire exemple. C'est le Vatican du politiquement correct, la Suède. Oui, c'est ça. Et alors, à votre avis, comment s'est fait cette révolution scandinave? Alors, rappelez-vous aussi, je me permets cette petite anecdote assez rigolote, entre guillemets, quoique pathétique. Je crois que c'était la vice-présidente du gouvernement qui a fait une conférence de presse, les larmes aux yeux, même en train de pleurer physiquement, en se plaignant qu'on ne pouvait pas accueillir plus de migrants. C'est vraiment dramatique, on ne pouvait pas poursuivre l'invasion du territoire. C'était vraiment un drame pour cette dame. Je pense que la Suède, à l'instar des autres pays, est rattrapée par la réalité. Pourquoi ? On fait venir des migrants. Et comme nos cerveaux ont été détraqués par les Lumières, par le politiquement correct et que sais-je encore, nous pensons que ces migrants sont, j'allais dire, européens de mœurs et qu'ils se comportent comme des Européens dans la vie de tous les jours. Or, ce n'est pas le cas. Et là, j'insiste sur ce point. Parce que c'est vraiment un point important à démystifier. Quelle est la différence principale entre les populations des pays d'où viennent les migrants et les populations européennes? Les sociétés européennes sont structurées par rapport à ce qu'on appelle le fait social. Qu'est-ce que c'est que le fait social? C'est que nous respectons en société des valeurs communes que nous respectons tous et auxquelles nous nous référons tous. La plupart des migrants, eux, viennent de sociétés qui sont non pas fondées sur le respect de valeurs communes, mais sur le fait tribal. Qu'est-ce que le fait tribal? C'est que je respecte les règles intra-groupe, mais si une tierce personne n'est pas dans mon groupe, les règles de civilité de mon groupe ne s'appliquent pas à cette personne. Donc autant dans mon groupe, je ne viole pas, je ne vole pas, je ne commets pas telle infraction ou telle incivilité, autant si tu n'appartiens pas à mon groupe, eh bien dans ces cas-là, c'est porte ouverte et je peux faire ce que je veux. Ils ne connaissent pas le droit des gens. Exactement. Voilà. Et si vous voulez, le respect des règles communes leur est étranger. Je ne dis pas que c'est une sous-civilisation, je dis que c'est une alter-civilisation. Ce n'est pas la civilisation européenne. Et donc, de ce choc entre le fait social et le fait tribal, eh bien, il résulte tous ces faits divers sordides qui deviennent monnaie courante. Qui deviennent monnaie courante. Et quoi que soit extrêmement choquant. En Suède, justement, nous parlons de la Suède. Nous avons vu un migrant qui avait, je crois, à peine 12-13 ans, qui a assassiné une femme qui gérait un des centres d'accueil de migrants de je ne sais quelle ville suédoise. Bon, il faut bien comprendre que ce que découvre la Suède, nous en France, nous le vivons aussi, mais depuis maintenant plusieurs décennies. C'est-à-dire que l'explosion de la délinquance, elle vient en France, elle vient aussi de ce choc entre le fait social et le fait tribal. Eh bien... Vous ne croyez pas que l'immigration soit une chance pour la France? C'est une chance pour la République. Ce n'est pas une chance pour la France, l'immigration. Qu'est-ce que vous appelez la République? La République, c'est très simple, c'est le régime qui a mis au cœur de nos institutions la philosophie des Lumières et qui a retiré du cœur de nos institutions le respect de l'ordre naturel. Et donc, dans le cadre de cette philosophie des Lumières, il faut créer un homme nouveau. Quoi de mieux que l'immigration pour créer un homme nouveau? Quoi de mieux? Tout à fait. Alors, pour revenir à notre sujet principal, vous avez dit tout à fait justement qu'on peut commencer à critiquer l'invasion au nom, par exemple, du féminisme. Alors, ce n'est pas absolument nouveau, parce qu'on a vu aux Pays-Bas, à la fin des années 90, avec Pim Fortuyn, et puis ensuite Geert Wilders, qui a pris sa place, justement une revendication, entre guillemets, laïque et laïciste et anti-musulmane, fondée sur le féminisme d'un côté, et le respect des minorités homosexuelles. C'est un des biais qui... C'est toujours cette technique, si vous voulez. On ne peut contrer le mondialisme que au nom d'une cause mondialisto-compatible. Et de même qu'en France, demain, on ne vous dira pas que la France est envahie par des étrangers et qu'il y a un fait de contre-colonisation, on vous dira que l'islam pose problème par rapport à la laïcité. Mais c'est-à-dire la stratégie actuelle du nouveau Front National de Marine Le Pen et de Florian Philippot. Hélas, mille fois hélas, car moi je suis de ceux qui pensent que la laïcité est une cause de l'effondrement de la France. Oui, alors là, justement, est-ce que dans un mieux apparent, on ne va pas au niveau, au devant d'une nouvelle catastrophe à ce moment-là ? Après, je vais vous dire une chose. Un homme politique se juge non pas sur ses mots, encore que ça peut compter, mais il se juge principalement sur ses actes. Moi, ce qui m'intéresse avec le Front National actuel, au-delà du discours actuel, c'est qui êtes-vous, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce qui vous structure concrètement ? Idéologiquement, spirituellement. Le Front National a parfaitement conscience qu'il est obligé d'avoir une politique de couverture et qu'il ne peut pas dire entre guillemets 100% de ce qu'il pense sans se faire fusiller par le système. Donc, je n'en veux pas trop, si vous voulez, de ces concessions sémantiques, j'allais dire, si elles ne sont que des concessions sémantiques. Ce qui serait beaucoup plus inquiétant, ce serait que les nouvelles figures qui émergent du Front National soient réellement acquises à tous ces totems qui ont détruit la France. Donc ils prennent leur apologétique pour une réalité, en quelque sorte. Ça, ma foi, j'ai envie de vous dire, on ne le saura que lorsqu'ils seront élus. Donc vous leur laissez le bénéfice du doute, en quelque sorte. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a un autre phénomène dans le changement de discours, et moi, il m'est apparu en Allemagne, je ne sais pas si vous lisez la presse allemande, moi, oui, j'ai été intéressé notamment par un article de Die Zeit, où il faisait une analyse assez longue sur Martin Schuster, qui, vous le savez peut-être, le président du Conseil juif de République fédérale d'Allemagne, et qui s'était fait très mal voir, il était tenu, je dirais presque pour un extrémiste de droite, parce qu'il avait demandé que les migrants, justement, on est toujours sur le même sujet, respectent, un, les femmes, deux, les orientations sexuelles, trois, la laïcité, et quatrièmement, le regard sur les juifs et la Shoah. Et alors, il avait été, vraiment repris vertement à un moment donné, et puis après Cologne, eh bien, la presse lui a donné raison. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, dans le changement de discours sur les migrants, une espèce de grande coalition qui inclurait, les sionistes contre l'islam conquérant. Disons que ces gens-là sont quand même pas tout à fait naïfs et que les réseaux communautaires juifs sont assez lucides et ils savent que les populations qui viennent du Moyen-Orient n'ont pas forcément un a priori, positif sur les populations juives d'Europe. Donc effectivement, ils pensent à leur sécurité. C'est d'ailleurs tout à fait normal et compréhensible, hein, de leur point de vue. Et je dirais même c'est louable. Oui, et donc, il y aurait à ce niveau une scission qu'on a connue d'ailleurs ailleurs au moment de SOS Racisme. Il y a les intérêts mondialistes et francs-maçons ne sont pas les mêmes que les intérêts juifs actuellement sur cette question. Bah, vous savez, tous les réseaux, il n'y a pas de bloc monolithique. C'est-à-dire que de même qu'il y a un Brzezinski pense pouvoir pousser les pions du mondialisme de telle façon, un Kissinger pense pouvoir les pousser de telle façon, tel réseau communautaire pense pouvoir pousser ses pions de telle façon, nous tombons justement sur une contradiction qui peut se résoudre d'ailleurs. Les réseaux communautaires juifs encaissent depuis maintenant 2-3 ans un certain nombre de défaites politiques et diplomatiques. Par exemple La reconnaissance de l'État palestinien par le Parlement français. Je pense à l'étiquetage, vous savez, des produits qui viennent des colonies israéliennes en Cisjordanie. Je pense à des événements comme ça. D'ailleurs, même plusieurs années avant, c'était sous Sarkozy, si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu la reconnaissance de l'État palestinien par l'UNESCO. Ce sont des défaites, ce sont des revers, disons. Il y a des revers politiques, donc si vous voulez, le judéocentrisme, autant il faut s'intéresser à la question juive, autant le judéocentrisme est pour moi une grille de lecture qui est vraiment erronée. C'est que si on se focalise sur cette question-là, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses et on ne comprend pas tout. Et d'ailleurs, les événements dont je viens de vous parler illustrent illustre, si vous voulez, la limite de ce, de voilà. ce logiciel. Et je vais vous dire, et ça va aller d'ailleurs crescendo. Pourquoi ? Parce que la gauche française, pour gagner, a dorénavant besoin des voix maghrébines de France. Or là, vous suivez mon regard. La gauche a perdu en grande partie des voix des banlieues pour diverses raisons, mais notamment pour la question du mariage pour tous. Donc la gauche va être contrainte de faire dans l'antisionisme, en tout cas dans l'antisionisme verbal, pour récupérer les voix maghrébines. Oui, donc on est au cœur de cette petite contradiction. Oui, tout à fait. Qui n'est pas insoluble, parce qu'il y a des synthèses ailleurs. Bien entendu. Mais, voilà. D'accord. D'ailleurs, c'est un choc de civilisation à la maison, ça aussi. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez du choc de civilisation actuellement dans ce contexte ? Bah, si vous voulez, ça dépend de quoi on parle précisément. Parce qu'il y a le choc de civilisation, c'est une expression connotée. Celle de Huntington, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Bon, de fait, le choc de civilisation en France, il existe. Si vous prenez les transports en commun, franciliens, à moins d'avoir un usage très mauvais de vos cinq sens, le choc de civilisation, vous le vivez au quotidien. Si vous voulez. Prenez par exemple ce cher Émeric Caron, chirurgien. À chaque fois qu'un invité parlait de près ou de loin de l'immigration, il disait mais quels sont vos chiffres ? Vous évoquez, disait-il à Laurent Berton, vous évoquez le lien entre la délinquance et l'immigration, comment osez-vous, quels sont vos chiffres ? Et moi je réponds à M. Caron, moi mes chiffres, c'est le RER, ligne A, ligne B, ligne C, ligne D. Mes chiffres, c'est le métro parisien. Allez faire un petit tour du côté de Barbès, allez faire un petit tour du côté de Stalingrad, etc., etc., etc. Donc, le choc des civilisations est la résultante inéluctable du multiculturalisme. À partir du moment où nous ne partageons pas la même culture, à partir du moment où notre schéma civilisationnel n'est pas le même, schéma social, schéma tribal, eh bien, fatalement, de là va découler des heurts. Et le choc des civilisations n'en déplaise tant à certaines voix des médias qu'à des voix qu'on peut retrouver dans les médias de la réinformation ou de ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Ce choc des civilisations, c'est une réalité. Une réalité qui ne touche pas à ce que j'appelle des bourgeois blancs vivant entre bourgeois blancs. Oui, c'est vrai, ça ne touche pas M. Caron, mais ça touche beaucoup de Français, des millions de Français, et d'ailleurs, les scores montants du Front National en attestent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, je regarde un peu les cibles maintenant, les cibles du terrorisme, et je me demande s'il n'est pas très maladroit ce terrorisme, parce que il attaque le Bataclan, il attaque le Palais des Sports, ou c'était le Palais des Sports ou le Parc des Princes, je ne me souviens plus. C'était le Stade de France. Le Stade de France, oui. Il attaque les terrasses. Alors, on a vu se constituer un patriotisme des terrasses. C'est vraiment bien d'aller manger des sandwichs et de boire de la bière. C'est ça, donc, les valeurs de la civilisation occidentale qu'on peut opposer au nihilisme barbare. C'est un nihilisme qui en affronte un autre. Puisque, en fait, vous savez, après les attentats de Charlie Hebdo, ce cher Laurent Geoffrin, Mouchard, je crois, de son vrai nom. Oui, fils Mouchard. Oui, voilà, hein. Le père étant très, très Front National. C'est un petit peu comme Jean-Claude Trichet. Des fois, il faut se fier au nom des gens, vous voyez. Oui. Avait écrit ce cher Mouchard que les terroristes s'en étaient pris aux mauvaises personnes. Parce que, logiquement, les terroristes auraient dû s'en prendre aux islamophobes d'extrême droite. Vous voyez. Bon. Ce qui est vrai, c'est que les terroristes s'attaquent à des cibles que l'on peut globalement quand même rattacher à la bobocratie, c'est-à-dire à ces couches supérieures de gauche. Hein. C'était aussi le Palais Messicenses, parce que le Stade de France, c'est quand même pas la bobocratie. Ça, c'est... Bah, écoutez, les gens qui vont voir les matchs de l'équipe de France de football au Stade de France, en toute franchise, ça peut quand même, je pense, se rattacher en partie à cela. Sachant que je pense que ce que les terroristes visaient sur ce point-là, en l'occurrence, c'était plus le fait que le président de la République et d'autres autorités françaises étaient présentes. Si vous voulez, c'était, je pense, pour eux, un défi à la France. C'est-à-dire que nous vous attaquons, mais vraiment dans votre cœur, et nous menaçons votre chef d'État, mais vraiment. C'est l'interprétation que vous donnez, d'accord. Mais sinon, si vous prenez le cas des terrasses, si vous prenez le cas du Bataclan, alors bien sûr, dans le lot des victimes, on trouve bien entendu des gens qui pouvaient penser comme vous et moi. Mais sociologiquement, il y a beaucoup plus de chances pour que les gens qui se trouvaient à cet endroit relèvent de ce qu'on peut appeler la bobocratie. Et effectivement, comme vous l'évoquez, la réplique qui a été revendiquée, si je puis dire, par justement ces couches populaires de gauche, ça a été le patriotisme de la terrasse. Je suis en terrasse, hein, c'était le hashtag « Je suis en terrasse ». Alors, ce cher Hollande nous a dit de sortir le drapeau tricolore. Oui, bon. Ça, c'est tout la même chose que « Je suis Charlie », d'ailleurs. Vous croyez pas? Et justement, j'allais vous le dire, moi-même, dans une rue, j'ai vu quand même une image qui je trouve magnifique, qui m'a bouleversé. Un drapeau français avec, sur le blanc, non pas une fleur de lys, non pas le Sacré-Cœur, mais le logo « Je suis Charlie ». Vous voyez? Bon, là, on a fait le tour de la question. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que cette bobocratie est tellement lessivée. C'est une anthropologie tellement pauvre, c'est une intelligence tellement médiocre qui n'ont rien à opposer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas effectivement la question, est-ce que ce n'est pas efficace? Parce que vous voyez, il y a quand même des centaines de milliers de gens sur « Je suis Charlie », etc. Et c'est évidemment une contradiction énorme, puisqu'on voit que ces gens-là ont toujours, compissé le drapeau, toutes les valeurs, craché sur l'Église, craché sur la France, de façon générale, et d'un seul coup, ils sortent leur petit drapeau. Partrouille, oui, mais la trouille, c'est quand même, je crois, une des principales motivations de l'homme. Bien sûr, tout à fait. Et beaucoup de retournements dans l'histoire se sont faits de la sorte. Mais vous pointez avec juste raison le fait que nos chers 68ards sont en train d'adorer ce qu'ils ont brûlé, hein, pour reprendre la formule de Saint-Rémy, et qu'on a vu à cette fameuse manifestation du 11 janvier nos chers manifestants, qui en grande majorité étaient des gérontocrates 68ards, applaudir les flics. Oui. Alors que pour eux, les flics étaient un symbole quasiment fasciste. C'est très intéressant, justement, cette inversion. Mais justement, c'est la preuve qu'on arrive au bout d'un cycle et que la réalité est devenue trop violente et qu'elle n'était plus encaissable, si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, si l'on renie, j'allais dire, ces facteurs de stabilité que sont malgré tout l'ordre, la sécurité, la religion et la patrie. Oui, mais alors regardez comme Hollande a été... Mais grandiose dans cette affaire-là. Il a tout retourné, tout récupéré. Tout à fait, oui. Et il est arrivé quand même, il y a bien 20% de gens qui le trouvent bien maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on a vu les résultats régionaux. Hein. Qui, avant les régionales, aurait misé sur le fait que la gauche ait 5 régions? Peu de monde, hein. Très peu de monde. Je vous rejoins tout à fait pour dire que l'entreprise de récupération politique a été hallucinante. Et j'aimerais faire un petit parallèle historique. En 1934, le roi de Yougoslavie et le ministre des Affaires étrangères Louis Barthou se sont fait assassiner à Marseille. Et le général Georges, d'ailleurs, a été blessé. Quelle a été la réaction du gouvernement? Albert Sarraut, qui était ministre de l'Intérieur, a démissionné. Parce que de fait, il y avait une faillite du système de sécurité. Et donc, en tant que responsable de ce système de sécurité, eh bien, il a démissionné. Et d'ailleurs, l'opinion publique allait dans ce sens-là. Aujourd'hui, on arrive à un double délire. C'est que, premièrement, les pouvoirs politiques ne se sentent absolument pas responsables de leur faillite et de leurs échecs. Et deuxièmement, il y a dans la population française, ou en tout cas dans une large partie de la population française, une absence de colère contre leurs dirigeants qui est absolument hallucinante. Et autant la jeunesse française est frondeuse, la moitié d'entre elles ne vote pas, et le tiers qui vote Front National, autant chez nos chers gérontocrates Bobo, Charlie et post-68ards, il y a une incroyable lâcheté, il faut le dire, une incroyable lâcheté. Et ces gens-là feront tout pour conserver les reliquats de petits privilèges hérités des Trente Glorieuses. Ils sont tous au pied du pouvoir. Écoutez, on va s'interrompre une seconde pour répéter que nous sommes sur le libre journal de la liberté surveillée. Je reçois ce soir Gabriel Abosi. Adrien Abosi, pardon. Il n'y a pas de mal, mais quand même, Adrien Abosi. Qui est avocat, et je vais faire quelques annonces avant de lui reposer quelques questions. Alors, je signale que les mardis de Politique Magazine, en partenariat avec le Cercle Histoire, Culture et Patrimoine, organisent le mardi 9 février à 19h30 précise une conférence de maître Jacques Trémonet de Villers sur Jeanne d'Arc révélée par son procès. Alors, la participation aux frais est de 10 euros, 5 euros pour les étudiants et les chômeurs. Et la conférence aura lieu salle Messian, 3 rue de la Trinité, 75 000, 9 Paris, les métros, c'est la Trinité et Saint-Lazare. Pour tout renseignement, téléphonez au 01 42 57 43 22. Je répète, 01 42 57 43 22. Alors, quelques réactions d'auditeurs maintenant. On nous signale un foyer pour demandeurs d'asile homosexuels a été ouvert à Nuremberg en Allemagne. Un autre va ouvrir à Berlin. Iraniens, Syriens, Irakiens en ont fait la demande. Alors, une question. Que pensez-vous de l'interdiction par le gouvernement des manifestations qui étaient organisées samedi prochain contre la déferlante migratoire en concertation avec Pegida, c'était notamment à Calais. Tout à fait. En plus, c'était une petite date anniversaire, le 6 février. Le gouvernement n'a strictement aucun intérêt à laisser s'organiser l'opposition à la déferlante migratoire. On a la réponse. Oui, et alors, une question subsidiaire, quelle peut être la conséquence d'une telle interdiction ? Est-ce que on va passer outre ou pas ? Est-ce qu'il y a des risques pour l'ordre public, de troubles ? À court terme, cela arrange le pouvoir. À long terme, cela va générer un tel ressentiment que ça se retournera tôt ou tard contre le système. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit pas trop d'illusions, la France est déjà trop gangrenée, on ne pourra plus rien faire. Le bon Dieu n'abandonnera jamais la France. Alors, il semblerait que nos voisins allemands se réveillent. Le site Boulevard Voltaire a fait un article sur la chute de la presse écrite, en particulier depuis octobre dernier, sous l'influence de Udo Ulf Kotte, ex-rédacteur en chef de Frankfurter Allgemeine. Pourriez-vous en dire quelques mots pour vos éditeurs ? Moi, j'en sais rien de plus que ça. Ceci étant, je ne suis pas aussi optimiste sur l'Allemagne pour une raison très simple. C'est que, et ça explique aussi le traumatisme engendré par l'avenue des migrants, c'est que c'est un pays qui n'a plus de jeunesse. Je crois que les chiffres sont de l'ordre du fait que pour 200 000 bacheliers par an en France, on en a, je crois, quelque chose comme 70 000 en Allemagne. Oui, mais peut-être aussi qu'ils n'ont pas le même taux de réussite. Ça, c'est un autre problème, ça. Bon, alors, bonsoir. N'oubliez pas les réseaux catholiques qui accueillent et aident les migrants, même après les révélations de colonies. Alors, les réseaux catholiques, il ne faut quand même pas être trop général. Il y a certains catholiques. Alors, catholiques de gauche, est-ce que ça existe vraiment ? C'est un oxymore. Oui, alors, vous ne croyez pas aux catholiques de gauche, vous ? On ne peut pas à la fois se revendiquer du catholicisme et se revendiquer de la remise en cause de l'ordre naturel. Par définition, la gauche, c'est les Lumières, et les Lumières, c'est la remise en cause, c'est la révolte contre l'ordre naturel. Donc, y compris contre Dieu, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, ce sont deux choses totalement contradictoires. D'accord. On ne peut pas être catholique et de gauche. On a la réponse. Alors, est-ce que ce n'est pas l'antiracisme qui fait entrer tous ces migrants en pays occidentaux ? Ne serait-ce pas une nouvelle forme de nazisme ? Je lis ce qu'il a écrit, moi. Oui, oui. Ce qui fait venir les migrants, à mon avis, surtout, c'est des réseaux mafieux, alors, plus ou moins en lien avec l'oligarchie anglo-américaine. C'est très, très intéressant. Je vais interrompre un peu la lecture, je la reprendrai, de ces petits messages. Il y a le président, c'est bien le président tchèque, Miloš Zeman, qui lui a donné les informations dont il disposait de deux sources différentes, a-t-il dit. C'était le 4 janvier qu'il a fait cette déclaration. Il n'y a toujours pas de discussion sur cette question qui est pourtant intéressante. Il affirme que ce seraient les frères musulmans qui auraient organisé la fuite des migrants vers l'Europe. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je constate qu'aucun des grands médias, pourtant c'est une dépêche AFP, n'a repris, fait le débat là-dessus. Ça vous inspire quoi comme réflexion ? Je pense que les médias, si vous voulez, les hommes de médias... sur la question de l'islam, dorénavant, on a peur de mettre de l'huile sur le feu. Prenez le cas de Michel Onfray. Michel Onfray a été, pendant des années, dans le fer de lance de la question islamophobe ou anti-islam. Mm-hmm. Depuis les attentats, il a totalement tourné sa veste. Et il commence à mettre beaucoup d'eau dans son main sur la question de l'islam. C'est-à-dire que je pense que de plus en plus de gens... Issus du système, on va avoir peur de critiquer l'islam ou même de poser la question. Vous êtes islamophobe, vous ? Pas du tout. Moi, je suis chrétien. Donc de là découle de tout le reste. Alors, je pense que les autres religions sont fausses, mais je respecte autrui. D'accord. Est-ce que vous avez écouté ou lu la déclaration d'Elisabeth Badinter, qui est une femme éminente, héritière d'une des plus grosses fortunes de France, et donc de la publicité sur le Jeanne Blanchet, qui est aussi la femme de son mari, qui a dit justement qu'il ne fallait pas avoir peur de paraître islamophobe. Alors, est-ce que vous l'approuvez, ne l'approuvez pas, vous Si ce que veut dire Mme Badinter, c'est qu'il faut s'affranchir du surmoi politiquement correct et d'oser dire que la réalité est la réalité, si elle n'a voulu dire que cela, je suis d'accord avec elle. Mais il faut l'appliquer à tous les sujets. Madame Ned, ça risque de l'embêter elle-même. Ça peut embêter elle-même, oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, quelqu'un me dit, le désastre français date du général de Gaulle. Oui, je suis d'accord. La 4e République est donc depuis 30 ans. Disons que le désastre français a commencé en 1789, mais que 1944 a été un 1789 bis. Alors, il y avait, je ne sais pas si vous avez lu, si vous aimez Nîmier et le Hussard Bleu, il y a le beau-frère de Sanders qui dit à un moment donné... qui se pose la question, est-ce que la décadence française ne date pas de Philippe le Bel ? En partie, je vais vous dire, je pense que l'assassinat de Boniface VIII a dû peser. Ah ben oui. Non mais sérieusement, c'est vrai qu'il ne faut chercher pas dans les 30 dernières années les racines. Alors, il faut rappeler qu'en 2007, M. Raffarin a déclaré « La France est métissée et le restera ». Ben, moi, j'attends que les élites françaises nous montrent l'exemple, puisque quand je vois les élites françaises, je vois quand même des bourgeois blancs qui restent entre bourgeois blancs. Donc moi, la question que je me pose, c'est que si le métissage est à ce point exceptionnel, pourquoi il ne l'illustre pas ? Pourquoi il ne l'illustre pas ? Pourquoi ne vont-ils pas habiter à Bobigny, au Mureau, à Saint-Denis ? C'est curieux. Alors qu'en plus, l'immobilier est plus bas, donc ils auraient vraiment tout est profitable. Pourquoi ne le font-ils pas ? Israël refuse tous les migrants, il n'y a aucune critique. L'État islamique ne bombarde pas Israël, question interdite. Les journaux israéliens disent que les blessés de l'État islamique se font soigner en Israël, silence radio. Alors ce sont des informations sur lesquelles moi je n'ai aucune... Je confesse que moi non plus, je n'ai pas d'informations sur le sujet. C'est pas du tout que j'ai peur d'en discuter, mais voilà, ce sont... sur la notion de nouvelle opinion publique, qui diffuse l'ancienne opinion publique ? Ben c'est la télévision. La télévision, tout simplement. Le clivage, c'est télévision Internet, maintenant. C'est une question personnelle, je vais essayer d'y répondre, si je la comprends. Monsieur Beltier, la lumière ne vient pas seulement de Budapest, nous la devons aussi au jury populaire de Bobigny, qui ont acquitté un policier... poursuivi pour meurtre. Le verdict est un formidable coup de pied au cul infligé aux maçons du mur des cons de la place Vendôme. Je me donne du peu d'écho donné à cette affaire pour notre chère Radio Courtoisie. Encore une fois, on ne peut pas tout savoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si j'ai bien compris, ça évoquait le cas d'un policier qui a été acquitté par le jury populaire. Oui. À Bobigny. Écoutez, c'est mon côté avocat, je ne connais pas le fond du dossier, donc je ne me prononce pas sur les dossiers. C'est pratique d'être avocat. On peut ne pas répondre aux questions, d'ailleurs. Mais moi, je ne réponds pas plus parce que je ne connais pas non plus. Alors, écoutez, on va revenir à notre sujet de départ, qui est donc la question des migrants, sur l'affaire de Calais, contrairement à ce qui s'est passé pour Cologne, ou justement en Europe de l'Est, il me semble que les médias français ont fait vraiment le minimum syndical. Oui, tout à fait. Et quand on voit, par exemple, le déplacement de M. Alain Juppé, qui était faire un petit tour des lisières de l'enfer, toujours pour dire les mêmes choses. Là, on n'est pas sorti du discours antérieur. Ce qui est triste à dire, c'est que les Français, et a fortiori nos classes supérieures et nos classes dirigeantes, ne comprendront pas tant qu'ils ne souffriront pas. C'est triste à dire. Mais tant que l'on peut mettre la réalité sous le tapis, on la met sous le tapis et on ne cherche pas à régler le problème. Et quel est, si vous voulez, pour les Calaisiens, j'ai des témoignages, est devenu un enfer. Mais vraiment horrible. C'est un enfer. On a des témoignages d'une femme ou d'une famille qui se font vraiment mettre dehors de chez Exactement. Eux, insulter, attaquer, cracher dessus. Et d'ailleurs, saluons, je ne sais pas si vous avez vu ces images, de ce fameux David et Gaël, qui ont protégé leur foyer contre une horde de petits Charlie, de petits bourgeois et de migrants qui s'attaquaient tout simplement, qui s'attaquaient à leur demeure. Soyons très clairs, quel est l'avenir de la France? Le système est tartuffe et il n'assume pas la voie de garage dans laquelle il a embarqué le peuple français. Donc, tant qu'on peut mettre la réalité sous le tapis, on la met sous le tapis, voilà, tout simplement. Et il y aura un déni jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a vous ne croyez pas qu'il y a un petit pas en plus? C'est qu'il me semble qu'à Calais, peut-être un peu trop tôt pour en être sûr, il me semble que quand même l'extrême gauche, les antifas, commencent à, je dirais, à faire une espèce de cocktail révolutionnaire avec les migrants contre les Français. Bah ça, je vais vous dire, c'est une technique républicaine depuis maintenant plus de 40 ans. C'est-à-dire que pour faire l'homme nouveau, et, tout simplement, il faut se servir de l'immigration. Tout simplement. Alors, ceci étant, les antifas dans la région, de Calais aident les migrants à partir en Angleterre. Alors là, pour le coup, je suis avec les antifas. Envoyez-les en Angleterre. Ça, c'est très bien. Mais on a quand même l'impression qu'en même temps, ils commencent à faire la révolution en France. Non, sincèrement. Vous ne croyez pas? C'est un truc qui est certain, c'est que les antifas sont, depuis maintenant quelques années, sponsorisés, ont été ressuscités par le système. Et très concrètement, les antifas sont financés, on leur donne de l'argent, on leur donne des moyens logistiques pour notamment réprimer les voix contestatrices, en tout cas en France. Oui. Mais à elles seules, les forces dites antifas ne feront jamais la révolution parce qu'elles ne pèsent rien et parce qu'elles sont des pantins dans les mains du système. Alors peut-être que certains antifas font des films et croient vraiment qu'ils feront un jour la révolution, d'ailleurs laquelle on ne sait pas trop, mais la teneur révolutionnaire qui peut potentiellement se traduire politiquement, pour moi, est égale à zéro. Et d'ailleurs, une raison très précise, c'est que les antifas recrutent chez les jeunes. Or, les antifas ne parlent pas aux jeunes. Si vous allez sur le site antifa, ils ne parlent pas de la France. Ils parlent toujours de causes étrangères, mais ils ne parlent jamais des mots qui heurtent, qui frappent et qui font souffrir le peuple français. Oui, alors je suis absolument d'accord avec vous sur ce que sont les antifas, mais il y a quand même ce qu'il faut voir, c'est que la révolution qui est déjà commencée, c'est une révolution par les migrants. Ça, elle est en route depuis les années 80. Elle peut se continuer aussi par des actions d'agite propre. Alors ça, oui, tout à fait. Mais je pense que pour le système, tout cela ne sera jamais que, si vous voulez, des chiffons rouges dressés pour attirer l'attention tant des forces contestatrices d'ailleurs que de l'opinion publique majoritaire. Oui. Ces opérations de diversion. Oui, tout à fait. Mais oui. ça peut aider. Oui, oui. En termes de médias, parce qu'il faut tout le temps abuser le peuple. Vous prenez par exemple le fameux, je cite, pardon pour les auditeurs, le fameux, vous savez, Nick de Gaulle, qui a été tagué sur sa photo. Nick la France, autant pour moi. Là, c'est mon inconscient qui a parlé. Sur sa statue. Voilà, oui, tout à fait. C'est très, très, très élégant et délicat. Puis en plus, il y avait quand même Madame de Gaulle qui n'y pour rien dans cette affaire-là. Ce qui a permis, en tout cas, de polariser l'attention. En gros, quand on parle de Calais, on va plus parler de la ville dans la ville. On va plus parler des persécutions dont sont victimes au quotidien les Calaisiens. On va attirer l'attention là-dessus. Et là, bien entendu, la fausse droite se régale et fait du verbalisme pseudo-sécuritaire. D'accord. Alors quand on parle de cette révolution par les migrants, c'est quand même une chose qui est en route depuis un certain temps. Et si, comment s'appelle-t-il, Miloš Zeman, le président tchèque, prétend que dans cette petite phase depuis un an et demi, ce sont les frères musulmans qui seraient derrière l'affaire, il y a quand même à long terme des choses beaucoup plus fortes. Il faut rappeler les rapports de l'ONU de 1990 et 2000 sur intimant en quelque sorte à l'Europe de recevoir entre 120 et 180 millions de migrants pour des raisons de retraite. Je serais curieux de savoir qui sont les rédacteurs précisément de ces rapports, parce que là, ça nous en dirait long. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la guerre dans ces pays-là existe maintenant depuis des années. Or, cette explosion migratoire n'a commencé que, on va dire, à partir du mois de septembre. Je parle vraiment de la période explosive. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le phénomène, j'allais dire, en roue libre, à lui seul, n'avait pas produit ces effets-là. Donc, qu'est-ce qui a fait accélérer le mouvement ? À cette question, je n'ai pas de réponse à titre personnel. Non, mais sans savoir quelle est la réponse exacte, ce qu'on peut dire, c'est que la raison de la migration n'est pas due à la guerre elle-même, simplement. C'est absolument évident. Donc c'est une raison politique. Et c'est pour ça que j'ai rappelé ces grands rapports de l'ONU qu'on peut obtenir en ligne. Hein. C'est pas des rêves complotistes. Depuis 17 ans maintenant, et l'ONU appelle à la migration, à la migration massive. Hein. On n'est pas dans les chiffres. Bon. Et là, on est au début, donc, parce qu'on est à quelques millions. Mais c'est des objectifs de dizaines de millions qui sont fournis pour l'ONU. C'est ça la révolution Sachant mondialiste. Je pense que ça sera mathématiquement et physiquement impossible de toute manière. Là, on voit déjà qu'un million de migrants déjà sème une panique et commence quand même à bousculer les esprits. L'instinct de survie des peuples européens, ne serait-ce que pour sauver leur petit confort consumériste, ne permettra pas l'accueil de plus de migrants. Et puis, pardon, là c'est mon côté profession libérale. Moi, on me prend la moitié de mon argent, hein, je vous le dis. Bon. Si demain, on doit accueillir encore des millions de migrants, ces gens-là n'auront pas de travail. Ils vivront d'allocation. Donc moi, je pose la question, combien de pourcentage de mon argent va me prendre ? 60%, 80%? Vous voyez bien que vous n'avez absolument pas lu Jacques Attali. Alors, au contraire, ça va relancer l'économie, vrai, oui. Ça va donner du travail à tout le monde. Et comme il y aura des Einstein, des Montaigne et des Pierre et Marie Curie. Mais hélas, sortie des spéculations italiennes, la réalité nous rattrape. Et je crains que ces gens-là, au final, soient plus un boulet pour l'économie française et pour le contribuable français que des turboréacteurs. Oh, donc vous n'y croyez pas, encore une fois. Vous savez, il y a quelque chose d'assez récurrent qu'on trouve à gauche, c'est le refus du réel lorsque ce réel ne correspond pas à vos schémas idéologiques préétablis. Et je me rappelle d'un discours de ce cher Aristide Briand, au mois de décembre 1929. Alors Aristide Briand, pour ceux qui ne le savent pas, était notamment ministre des Affaires étrangères français entre les deux. Voilà, sans doute le plus mauvais ministre des Affaires étrangères. Oh, c'est difficile de le dire parce qu'on en a eu pas mal. C'est vrai que Fabius a fait très fort, mais bon, disons qu'il est dans le top 10 facilement. Top 10, voilà, on va dire. Et donc ce cher Briand, en décembre 29, est interpellé par l'extrême droite. C'est méchant l'extrême droite qui disent « Monsieur Briand, vous faites trop de concessions à l'Allemagne, c'est pas bon ». Et Briand dit « Mais attendez, mais moi je suis au courant de ce qui se passe en Allemagne, je suis l'opinion publique allemande de près, et je peux vous dire que l'opinion publique allemande va vers le pacifisme. » Et quelques mois plus tard, en pleine négociation, pendant que Briand est à la SDN, on apprend l'explosion électorale du Parti National Socialiste. Vous voyez ? Donc c'est une tradition à gauche de ne pas voir le réel tel qu'il est. Ben, le meilleur exemple, c'est encore l'article de Léon Blum dans Le Populaire, qui était son quotidien, aux élections de 1932, c'est Hitler n'est pas seulement exclu du pouvoir, il est exclu de l'espérance du pouvoir. Donc c'est voilà tout à fait. L'aveuglement idéologique possède des gens de gauche. Alors maintenant qu'on a bien vu le problème de l'adversaire, je vous poserai la question, pardon, que faire ? Pardon, pour arrêter les migrants, que faire ? Aux frontières ? Changer de régime. Déjà, c'est la base, c'est changer de régime et virer cette classe politique. C'est la base de la base. C'est-à-dire que tant qu'on aura des collabos au pouvoir, on aura des politiques de collaboration. C'est la base de la base. Quand on dit changer de régime, concrètement, c'est comment ? C'est un putsch En tout cas, non, je crois pas trop à la solution du putsch, hein, parce que les putschs, en général, c'est plutôt fait pour que tout change, pour que rien ne change. Je vais vous dire une chose, je pense que ça sera le facteur de plusieurs choses. Déjà, la résultante de plusieurs facteurs. Oui. Voilà, tout à fait, pardon, toi pour moi. Déjà, il faudra que les Français comprennent ce que c'est le mondialisme. Et hélas, ils ne le comprennent que quand ils se le prennent en plein visage. Donc ça sera déjà quand les souffrances seront plus grandes dans le peuple français que les choses commenceront à changer. Ensuite, moi, ce sur quoi je mise, je vais vous dire, il y a deux scénarios. Le scénario doux, je ne dis pas light, je dis doux. Ça serait celui d'une scission dans les élites françaises, une scission qui ferait une double jonction avec un Front National qui potentiellement serait véritablement national, mais là, de vous à moi, je spécule, parce que je ne connais pas vraiment la teneur nationale du néo-Front National, et une jonction avec une contre-société qui aurait pour base cette nouvelle opinion publique. Ça, si vous voulez, ça serait la méthode vraiment douce. Maintenant, il y a un deuxième scénario. On peut faire un peu d'histoire ? Allez-y. Il y a un deuxième scénario qui est celui de 1940. Que s'est-il passé en 40 ? On a vu un régime s'effondrer. D'ailleurs, il est mort de l'aveuglement idéologique face à l'Allemagne, la Troisième République. Et il est mort aussi simplement d'une défaite militaire sans précédent. Exactement. Et donc, qu'a-t-on vu ? Eh bien, quand le régime s'effondre, eh bien, au final, qui prend le pouvoir ? Eh bien, les gens qui tiennent encore debout. Donc, si nous assistons à cet effondrement républicain, eh bien, il faudra qu'il y ait des forces nationales suffisamment organisées pour un, prendre le pouvoir, et ne pas laisser revenir au pouvoir les collabos qui nous ont mis dans la voie de garage mondialiste. Et quand je dis cela, je vise des forces politiques, je vise des forces médiatiques, et je vise aussi des forces économiques. C'est sur tous ces terrains-là que les patriotes français doivent s'engager pour pouvoir être debout le jour de l'effondrement. Alors vous allez me dire, mais l'effondrement, c'est pour quand et ça sera comment ? Bah, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, en France, on achète non pas la paix sociale, mais on achète la paix ethnique. Bon. Si demain, les Chinois arrêtent de nous prêter autant d'argent, et les Japonais, et si demain, la fiscalité diminue, puisqu'elle est devenue, enfin, notre hyperfiscalité est en train de tuer l'économie française, les transferts sociaux vont cesser. Donc, nos chères chances pour la République, comment réagiront-elles ? Bah, je vous laisse deviner. Et donc, ça pourrait être un des visages, si je puis dire, de l'effondrement républicain. Et si on veut en avoir un avant-goût, regardons les images de la fête de 2013 qui fêtait la victoire du Paris Saint-Germain, la victoire du PSG dans le championnat de France. Regardez les images et vous aurez peut-être donc, une vision de l'avenir de la France. J'aime bien synthétiser de façon très grossière parce que c'est pour comprendre moi-même. Un collapsus économique peut engendrer une espèce de guerre civile. Je dirais que ça sera un collapsus qui aura plusieurs dimensions. Il y aura les dimensions économiques, il y aura les dimensions peut-être politiques et sécuritaires. Pour dire les choses très clairement, je pense que c'est la trouille qui fera que les gens changent de braquet de toute façon. Oui, mais c'est-à-dire que dans ce que vous venez de dire, vous semblez votre scénario. C'est oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est les autres qui commencent. Bien sûr. D'accord. Sachant que tout cela ne sera possible, vous savez, c'est un peu comme l'Union soviétique. Les pays de l'Est se sont libérés parce que la Russie était affaiblie. Donc il y a quand même un préalable à tout ça, c'est une diminution de la puissance de l'oligarchie anglo-américaine. Et je crois qu'on y est déjà d'ailleurs dans cette diminution de puissance. Oui, il y a justement quelqu'un très gentiment qui dit « Monsieur Pelletier, je viens de terminer votre livre « 20 bonnes raisons d'être anti-américain ». Les Français doivent lire ce livre et ils comprendront. Ben, vous avez bien raison, il faut qu'ils le lisent, qu'ils l'achètent surtout. Non mais donc, c'est le préalable, c'est l'affaiblissement de la tyrannie. Vous savez, il y a Roger Olyndre, ce cher Roger Olyndre a fait une conférence il y a quelques semaines de ça, et il a une phrase je crois très juste. Il disait « On armera les banlieues pour sauver les valeurs de la République ». Je crois que c'est vrai, et je pense que non seulement on armera les banlieues, mais je pense que... Il n'est pas impossible qu'on voit débarquer quelques porte-avions américains si jamais il y avait un soulèvement national digne de ce nom. Mais on l'a vu ailleurs. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé en Serbie. Alors, je ne connais pas le dossier. Il n'y a pas si longtemps, c'est en 99, on a fait la guerre à la Serbie. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout simplement. Mais sur les questions de vous semblez, comment dirais-je, attendre d'un cœur tranquille l'espèce d'effondrement, mais moi qui ai vu certaines guerres civiles, notamment celle du Liban, j'ai constaté que quand le bon camp s'y résout, il a déjà perdu. Je vais vous dire, je ne l'attends pas d'un cœur tranquille. Seulement, je sais que nous allons souffrir. Je pense que les jeunes générations, vous savez... Il y a l'expression « il faut tuer le père ». Eh bien, nos chers bobos 68 heures, eux, ont tué leurs enfants. Et je pense que la jeunesse française va souffrir. Et hélas, c'est inéluctable. Maintenant, il faut s'y préparer. Alors, je vais recommencer à lire quelques... C'est l'audition, quelques messages de nos auditeurs. Je rappelle que nous sommes sur Radio de Courtoisie pour le libre journal de la liberté surveillée. Je reçois ce soir Adrien Abosit. Abosit, oh là là, ça, c'est bien parce que voilà, c'est jamais juste. Alors, qu'est-ce que l'éducation nationale transforme du Mozart en rap en pensant de ce fait que les élèves aimeront Mozart. Oui, c'est peut-être vrai, mais je ne vois pas quel rapport ça a avec la choucroute actuelle. Comment expliquez-vous que la population asiatique, pourtant non autochtone en France, ne pose aucun problème? Y aurait-il des situations compatibles avec la nôtre? Disons que alors, les Asiatiques, vous savez, moi je viens du 13e, donc je les connais un petit peu. Ils sont structurés par le fait social et ils savent respecter les règles communes. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Maintenant, il y a le vernis qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est quand même aussi... il y a aussi quand même quelques petits réseaux mafieux hein, derrière. Hein. Mais dans l'espace public, force est de constater qu'ils ne posent pas trop de problèmes, les Asiatiques. Entendu par une Guinéenne, des Guinéens répudient leur femme, abandonnent leur enfant pour venir en Allemagne. C'est la faute de l'Allemagne. Madame Merkel leur dit de venir... et ne rien faire en touchant de l'argent, sachant que certains ont des terres et sont très riches. Je ne connais pas la situation guinéenne. Moi non plus. Félicitations, aussi bien à vous qu'à moi. Très bien, c'est formidable, oui, très bien. Le choc des situations n'explique pas tout. Nous n'avons aucun problème de délinquance avec l'économie asiatique, toujours la même chose. Oui. Jamais on n'a vu autant d'hypnotiseurs à la télévision. Il faut rattacher cela à la puissance que dénonçait Noam Chomsky dans L'état hypnotique des foules. J'aime bien Chomsky, mais je n'ai pas lu. Vous l'avez lu, vous ? Non, moi j'ai lu que la fabrique du consentement, je crois. C'était il y a très longtemps. Mais voilà, donc nous ne sommes pas assez cultivés pour répondre à cette question. Alors... on ne peut pas être catho et de gauche, point d'interrogation. Ben, on voit que vous ne vivez pas en Bretagne. Je me suis récemment frité et eux, c'est donc une dame, et pas qu'un peu, avec ces dames de la prière des mères. Nous n'avions quelques divergences d'opinion à ce sujet. Une amie m'a dit, s'il ne restait qu'un seul socialiste en France, ce serait un curé, et un curé breton. Courtoisement vôtre, eau de Pilorgé. Mais je crois que vous êtes d'accord. Enfin, je laisse parler Adrien. Je veux dire, c'est très simple. C'est que ce clergé conciliaire, concrètement, face à un islam conquérant, il n'est pas viable. Il va se faire dévorer. Il est déjà dévoré, parce qu'il faut bien voir quand même, le taux de fréquentation de certaines messes est assez faible, le taux de, je ne ferai pas de conjecture sur le taux de foi de certains curés non plus. Mais ça c'est une vraie question, et je renvoie d'ailleurs au roman de Bernanos, L'imposture, à ce sujet. Ah ben vous avez quand même des lectures, c'est pas les mêmes que... Oui, tout à fait, ouais. Bon, alors... lecture de gauche, j'en ai pas beaucoup, je confesse. J'ai l'impression, oui, ça me désole. Alors, donc, on était sur les moyens de... Eh ben, que faire? Les moyens de renverser la vapeur. Donc, d'abord, renverser le régime. Le régime, quand dites-vous... Alors, le régime, vous ne voulez plus de la République? Bah, écoutez, l'idéal, ça serait quand même de s'en débarrasser. Mais ceci étant, je suis prêt à transiger. Si on pouvait déjà faire une République qui respecte l'ordre naturel, ça serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Et ça limiterait pas mal la casse. Oui, mais si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, non ? Pardon ? Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, non ? Est-ce qu'une république peut respecter l'ordre naturel ? Alors, bon, dans d'autres pays, ça, je pense que ça se fait. En France, bah écoutez, il y a un vieux monsieur qui a essayé de le faire à une époque, hein, mais bon, on l'a pas laissé faire. C'était un État, oui. Non, mais vous avez bien compris qu'en France, qu'est-ce que c'est qu'on appelle la République française ? C'est l'appropriation de la chose publique, la res publica, par une coterie, par tout une minorité agissante. Tout à fait. Qui est humaniste, on peut le dire. Donc, en fait, c'est c'est pas seulement ça, mais c'est quand même la tyrannie de la maçonnerie, la République française. Oui, tout à fait, bien sûr, bien entendu. Bon. Donc, dans le changement de régime, il faut porter le fer. Vous porteriez le fer là-dessus. Je vous parlais d'un vieux monsieur tout à l'heure. Hein. D'accord. Donc, vous pensez que le maréchal Pétain a eu raison de s'intéresser à la maçonnerie française ? Ah bah tout à fait, tout à fait. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, petite anecdote. Vous savez que ce cher Camille Chautemps, au début de l'occupation. Alors dites qui Camille Chautemps ? Tout le monde le sait. Camille Chautemps, c'était un des notables du Parti radical socialiste. Okay. Il a été président du Conseil. Okay. Et il a fait partie de ceux qui ont fait pencher Paul Reynaud sur la question de l'armistice. Et donc ce cher Camille Chautemps, donc, qui était vraiment un haut gradé de la maçonnerie, pendant l'occupation, va voir Pétain. Et il dit, monsieur le maréchal, est-ce que vous n'auriez pas quand même un petit poste pour moi, quoi ? une petite sinécure. Et Pétain lui dit, écoutez, ça va pas être possible parce que vous avez des antécédents maçonniques. Et que lui répond Chotan ? Mais monsieur le maréchal, péché de jeunesse. C'est dire la teneur des convictions de ces gens-là. Hein. C'est plutôt mieux qu'il n'ait pas eu de conviction. Oui, tout à fait. Bon, enfin. Alors, toujours dans les obstacles à abattre, il y a tout de même, on parlait tout à l'heure de l'influence des catholiques de gauche dans la promotion de l'immigration. Mais il y a d'autres choses qui me semblent beaucoup plus fortes à l'intérieur de l'État. Je pense au Conseil d'État, je pense au Conseil constitutionnel, toutes ces institutions qui ont pour effet et pour intention de peser sur la jurisprudence, de changer la loi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le regroupement familial, c'est issu d'une jurisprudence du Conseil d'État. Oui, ça n'a jamais été, en fait... C'est la régistie de mémoire. Oui. Bah, vous savez, le problème de fond, c'est quoi ? Le problème de fond, c'est qu'il y a une déréglementation de l'esprit d'une large partie du peuple français et des institutions françaises. Et que cette philosophie des Lumières que nous avons mis au cœur de notre État et au cœur de notre société a totalement déréglé les cerveaux. Voilà. Et donc, tant qu'on ne la passera pas au Karcher et tant qu'il en restera un centimètre carré dans l'État et dans la société, eh bien, nous aurons ces esprits détraqués. Et donc, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour avoir l'esprit détraqué. On parlait tout à l'heure des catholiques de gauche. Hein. Bon, voilà. Ce sont des gens, on ne leur a pas mis un pistolet sur la tempe hein, pour qu'ils prennent les positions qu'ils prennent. Je pense même à tous ces gens qui ont manifesté le 11 janvier, à tous ces gens, à tous les barragistes, n'est-ce pas, qui font barrage au Front National et pas aux migrants. Il y a une déréglementation des esprits dans la société française et c'est ça le fond du problème. C'est vraiment le fond du problème. Et on ne peut pas que l'expliquer, si vous voulez, par l'influence de telle minorité ou telle minorité. Ça joue, bien entendu. Les réseaux communautaires ont leur influence. Mais je pense que le mal est beaucoup plus profond que cela. Voilà. Et je pense que le mal a été doublement inoculé en 1789, puis par la Restauration républicaine de 1944. Notre pays a totalement basculé dans les Lumières. Et il en ressort une sorte, je dirais, de déraison qui se manifeste de façon évidente d'un point de vue politique. Oui, c'est-à-dire qu'on parle de la maçonnerie, par exemple, c'est plutôt... Mais pas effectivement, que. Pas que, c'est la prise des esprits par l'idéologie maçonne à travers toute une histoire qui remonte des jeux. En fait, vous parlez de 1789 et vous avez raison, vous parlez de 45 et vous avez raison, on pourrait aussi parler de la période 1880-1914 qui est aussi qui est aussi importante pour comprendre ça. Ce qui est capital avec 1789, c'est que c'est vraiment nos institutions qui intègrent ce logiciel. Alors qu'avant, la monarchie française ne les intégrait pas. Certes, il y avait des éléments maçons dans les hautes strates de l'ancien régime, mais le système politique, j'allais dire théologico-politique, ne validait pas ces valeurs-là. Et de fait, la société ne se structurait pas par ces valeurs-là. Oui, d'accord. Alors, encore, il y a beaucoup de messages. Je suis obligé de les lire parce que c'est intéressant de savoir ce que pensent nos auditeurs. Quelqu'un me dit qui tient la langue, tient le peuple. Et bon, il faut reprendre la maîtrise de notre langue. C'est tout à fait vrai. Il nous reproche de ne pas respecter la non-fumination des titres électifs. Au contraire, on dit un député, madame le député, madame le ministre, qui n'est pas élu d'ailleurs, mais enfin, il n'y a pas de problème. Alors, en revanche, il nous dit qu'il ne s'agit pas de migrants, mais d'immigrés. Ça dépend. Il y a des migrants, il y a des immigrés, il y a des réfugiés, il y a des non-réfugiés, il y a tout. Il faut utiliser à la fois le terme générique utilisé maintenant par les anglo-saxons, qui est les migrants, et par les grandes institutions internationales, tout en sachant évidemment que l'immigré arrive et que l'immigré part. Quant au général de Gaulle, si nous l'avions aujourd'hui, tout cela ne serait jamais passé. Bien au contraire, ce que nous vivons est la conséquence directe du rétablissement de la République par le général de Gaulle. C'est vrai, mais c'est vrai, il est vrai aussi, pardon, que le général de Gaulle, avec toutes les erreurs qu'il a commises, à mon sens, avait un sens de l'intérêt national oui, que n'ont pas ses successeurs. Oui, mais de Gaulle, si vous voulez, s'est battu contre un courant qu'il a lui-même déversé. C'est toute la contradiction du personnage. Oui, nous sommes d'accord, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que je pense comme vous. Y a-t-il un lien entre la montée de l'islam et les 52 mosquées de Bretagne et la colère des éleveurs de porcs? Alors ça... Alors je ne connais pas le dossier, je vous avoue, mais en toute franchise, moi j'espère vraiment que la Bretagne va connaître une invasion migratoire, un peu comme l'île de France l'a connue, parce que là, la Bretagne, il faut le dire, s'est ridiculisée aux dernières élections régionales. Mais non, c'est normal, quand on n'a pas le danger chez soi, on ne réagit pas. Oui, mais il y a une part d'égoïsme bourgeois, si je puis dire, à ne pas voir le mal chez autrui. Et si vous allez dans la banlieue de Lorient, on va toujours mieux voter que le pays bigouden, parce qu'il y a très peu de... Très peu de Suédois. Très peu de Suédois là-bas. Jean Ferrat l'a dit, l'avenir appartient aux femmes. Non, la femme et l'avenir de l'homme, c'est un peu différent. C'était d'ailleurs Aragon. De l'Aragon. Il dit bon courage à Marine Le Pen. Eh ben, écoutez, s'il le dit, bon courage. L'invasion musulmane a été repoussée à Lépante grâce à une croisade des rosaires par le pape. Marie nous a dit que les chapelets seraient l'arme la plus sûre pour nous sauver. Ça, c'est alors, pas faux, ça. Mettons-nous à prier, mais c'est pas mauvais. Sainte Geneviève, on a démontré les vertus, fut un temps. Oui. Alors, les pentes, ça a repoussé la flotte turque, hein, mais ça n'a pas malheureusement tout résolu, puisqu'ils étaient encore 100 ans plus tard sous les murs de Vienne. Et c'est déjà l'Europe de l'Est, hein, qui avait arrêté l'invasion. C'est... Toujours. Hein. Peut-être que Orban et le Jean Sobieski... Oh là là, peut-être pas. Hein, savoir. Alors, messieurs Juppé, Sarkozy et les Républicains ont eu tort de laisser la main de M. Hollande, au moment de Charlie. Ils auraient dû lui demander de démissionner. Seul Wauquiez l'a fait, Radio Courtoisie n'a pas condamné Hollande. Radio Courtoisie n'a pas condamné Hollande. Alors monsieur, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, mais je peux dire que Radio Courtoisie condamne Hollande quand même. Ça, je ne laisserai pas passer une telle contre-vérité. Est-ce que vous pouvez, pour un auditeur, faire la différence entre mondialisme et mondialisation? La mondialisation, si vous voulez, c'est l'extension à l'échelle mondiale, ou plutôt, devrais-je dire plutôt, c'est la mise en place d'un marché mondial, tout simplement. Le mondialisme, c'est la volonté d'unification du monde, tout simplement. Monnaie politique, spirituelle, morale, et je dirais que c'est même plus grave, le moral et le spirituel, parce que le bien entendu. Voilà. Mais tout découle du spirituel, de toute façon. C'est la phrase de Peggy, tout commence en mystique, tout finit en politique. Oui, et tout commence et tout finit, parce que c'est pour modifier le... C'est le fond de l'affaire, d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce qui est en cours. Alors, c'est une question que... Moi, qui me semble importante à traiter, c'est que quel est le résultat de cette espèce de soulèvement en français avec des drapeaux, avec Je suis Charlie, contre finalement, pas l'islam, mais le terrorisme. Est-ce que ce ne serait pas de dire que, comme on le voit sur d'ailleurs à la une de Charlie, toutes les religions sont mauvaises, tous les intégrismes sont mauvais, qu'il faut donc être Charlie. Le résultat, c'est que, si vous voulez, il y a une remobilisation, si je puis dire, des rangs du politiquement correct, des rangs de la bobocratie. D'ailleurs, ça s'est traduit, on l'a vu, au deuxième tour des régionales. C'est-à-dire qu'on a vu, si vous voulez, le Front National marque des points, le Parti Socialiste et les Républicains prennent des coups au premier tour, appel paniqué du système... assez gérontocratie libérale-libertaire, et on a vu une remobilisation suite aux attentats et suite aux dangers, n'est-ce pas, d'extrême droite. Hein. D'extrême droite, mais moi je suis frappé par les unes de Charlie Hebdo, parce que c'est quand même maintenant l'arbitre des élégances. Hein. On voit, vous avez vu cette... Oui, sur Dieu, là. Cette sur Dieu, on voit, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est pas Allah, hein, c'est Dieu le Père qui est là et qui est l'assassin dans l'affaire. Bien sûr. Bah, de toute façon, si vous voulez, cette philosophie des Lumières, ce politiquement correct et cette gauche... repose sur un principe de haine de soi. Voilà. Donc tout ce qui vient de nous est à détruire, est à balayer. Et cette une de Charlie Hebdo l'illustre. C'est le masochisme permanent, l'autoflagellation permanente. Alors, il y a également un phénomène qui est dans la reconquête des esprits qui est inquiétante, c'est que on voit que médias populaires qui, traditionnellement, sont réactionnaires, parce que le peuple, est, contrairement aux bobos, lui, est réactionnaire. Bien sûr. Hein. Eh bien, regardez, il y a quelques années, Radio Luxembourg était très réactionnaire. Hein. Et elle était prise en main. Ensuite, RMC a pris le relais, puisqu'elle a fait d'extrêmement bon. Et maintenant, vous avez la même prise en main de RMC. De la même façon que le Parisien, maintenant, le Parisien libéré, qui du temps de comment s'appelait-il, Abori, était vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux comme journal. Et maintenant, tout à fait bobo. Est-ce qu'il y a un espace possible pour... Dans les médias traditionnels, non. Non. C'est verrouillé. C'est verrouillé, on le voit aussi à la télévision. LCI est devenu complètement... Radio Courtoisie est l'exception. Voilà, sans flagorner, de fait. De fait, c'est un j'aurais même d'ailleurs que ce ne soit pas le cas, mais de fait, c'est l'exception. C'est vraiment le seul endroit où on peut un peu parler. En radio, oui, c'est le seul. Sinon, l'espoir, c'est Internet. Et la révolution se fera en partie par Internet. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais enfin, est-ce que Internet a la puissance de feu nécessaire? Ça dépend sur qui. Sur les plus de 50 ans, réponse non. Sur les jeunes ont totalement ou en grande partie délaissé la télévision pour Internet. Et ça, c'est une véritable révolution, puisque autant la télévision est muselable, si je puis dire, autant Internet ne l'est pas, puisque Internet est atomisé par définition, puisque ça relève de la volonté individuelle de chaque individu qui fait le choix, c'est la véritable démocratie d'ailleurs, qui fait le choix de choisir son programme. Alors il y a une question là, c'est une question pour terminer l'émission sur laquelle on peut s'appesantir un petit peu. Est-ce que justement cette nouvelle, ce que vous appelez cette nouvelle opinion publique qui se traduit par Internet, qui émerge par Internet, peut déboucher sur une nouvelle répartition politique? Bah écoutez, c'est le fond de l'affaire, je crois. Pas demain, c'est très clairement pas demain. Mais pour moi, Internet joue le rôle que les sociétés de pensée ont joué à la fin de l'Ancien Régime. Donc, demain matin, non. Après-demain, oui. Si. De larges parties du peuple français se mobilisent en faveur de ce changement. Il faut créer une contre-société d'un point de vue économique. Il faut mettre en place des médias qui aient une force de frappe la plus grande possible. Il faut... Disons-le, hein, il faut faire un maximum d'entrisme au Front National, dans tous ces partis, même, pourquoi pas chez les Républicains? Pourquoi pas? Puisque les Républicains... Mais vous voyez ce qui arrive à, comment ça s'appelle, sens commun, ça n'a pas beaucoup marché. Je suis tout à fait d'accord. Ceci étant, je vous parlais tout à l'heure du cachotant, la vapeur peut très vite se renverser aussi, l'histoire nous l'a démontré. Et surtout, ce qu'il faut, c'est faire une jonction entre donc cette avant-garde issue de la nouvelle opinion publique et une partie de nos élites qui comprendra que continuer... d'aller dans le sens du mondialisme, c'est aussi s'aborder ses privilèges. Mais alors, je dirais simplement qui. Alors, on a un petit espoir au Front National. Avec, il y a pas que Marine, il y a Marion, et puis il y a d'autres personnes. Il y a Bruno Gollnisch. Il y a des gens pas mal au Front National. Mais chez les autres, est-ce que Dupont-Aignan ça peut donner quelque chose? Est-ce que Philippe de Villiers peut donner quelque chose ou pas? Dupont-Aignan, je vous pose la question. Dupont-Aignan, vous n'y croyez pas? Pas tellement, non. Pourquoi? C'est un gaulliste. Dupont-Aignan valide tous les fondamentaux du système. Il valide tous les fondamentaux du système. Voilà, donc bon. Après, peut-être que demain, il prêchera autre chose. Allez savoir. Mais tous ces gens-là défendent des principes qui sont mauvais. Voilà, c'est tout. Et c'est à la nouvelle opinion publique, rebâtie sur Villiers. Des bons principes. Pardon. Et Villiers? Villiers, c'est différent. Villiers, déjà, le Villiers d'aujourd'hui, c'est pas le même Villiers d'il y a 5 ans. Hein. C'est-à-dire contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas du tout le même discours. Aujourd'hui, il met en cause la trilatérale, il met en cause le mondialisme. Pardon de le dire, avant, il ne le faisait pas. De fait. Bon. Aujourd'hui, il défend l'héritage spirituel de la France en faisant des ouvrages sur Jeanne d'Arc. Ça, c'est très bien. Sincèrement, il serait intellectuellement malhonnête de ne pas le lui reconnaître. Encore que, m'a-t-on dit, je n'ai pas lu son bouquin sur Jeanne d'Arc, mais il n'a pas évoqué la triple donation qui est le cœur de la vie de Jeanne d'Arc. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais ceci étant, de Villiers, globalement, son retour est une très bonne chose. Et les critiques qu'il fait vont dans le bon sens. Après, à lui seul... C'est pas un carabinier d'Offenbach, un peu? C'est-à-dire? Les carabiniers d'Offenbach, c'est ceux qui arrivent en retard, ceux qui arrivent après coup. Ah oui, alors ça, pour le coup, effectivement. Mais bon, ceci étant, il faut, vous savez, par les temps qui courent, on fait avec les moyens du bord. Avec des ouvriers de la 11e heure et demie. Voilà, donc bon. Mais De Villiers à lui seul n'enclenchera aucune dynamique politique. Il peut faire partie, potentiellement, du réveil du PRL, mmh. amorcée par cette nouvelle opinion publique, qui sera revenue à l'héritage spirituel de la France, mais à lui seul, non. Et d'ailleurs, le Front National, on l'évoquait, le Front National à lui seul, je n'attends rien de lui. Vous savez, c'est la jurisprudence Émile Ollivier, c'est-à-dire l'opposition libérale au Troisième Empire, mais le problème, c'est que quand Napoléon lui dit de venir au pouvoir, il y va, quoi. Il va à la gamelle et il fait la gamelle. Si vous voulez, le ton du Front National, ça sera la nouvelle opinion publique qui le donnera. Voilà. Donc, soit la nouvelle opinion publique est au rendez-vous de l'histoire et elle sera devenue une masse critique suffisamment puissante pour que le Front National renoue lui aussi avec l'héritage spirituel de la France, soit l'opinion publique n'accouche de rien et le Front National deviendra un parti collabo. Je ne souhaite pas que ce scénario se réalise. Dans la nouvelle opinion publique, est-ce que vous incluez est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle positif à jouer pour des gens comme Égalité et Réconciliation, quoi qu'ils ne viennent pas du tout de... Bah, ils en font partie, hein, malheureusement. Oui. Enfin, c'est pas malheureusement. Si vous voulez, la question Égalité et Réconciliation, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Il faut prendre y a à boire et à manger pour moi d'envers. Ce qui est absolument incontestable, c'est qu'il y a une base militante. Ceux que j'ai rencontrés, moi, Égalité et Réconciliation, étaient globalement des bons Français. Ça, c'est absolument incontestable. Et des gens relativement formés, ce qui m'a un peu surpris. Alors ça, je n'irai pas jusque-là. Mais ça après, je ne connais pas suffisamment. Sincèrement, oui. Je ne me prononce pas là-dessus. Maintenant, si vous voulez, le message de ce vers quoi vise Égalité et Réconciliation, c'est une alter république multiculturaliste fédérée par l'antisionisme. Bon, voilà. Donc moi, le conflit israélo-palestinien, personnellement, ce n'est pas mon affaire. Et je suis contre la république multiculturelle. Donc, effectivement... Égalité et Réconciliation a pour mérite de, si vous voulez, d'avoir un site qui permet de faire une bonne revue de presse. Égalité et Réconciliation a le mérite d'avoir mis en place justement en partie cette contre-société à travers diverses structures. Ça, il ne faut absolument pas leur retirer. Je pense que ça peut accoucher de bons fruits. En revanche, le message... Vous n'êtes pas d'accord sur le fond. Le message, si vous voulez, la République... cette république altériste, enfin non, j'exagère un peu en disant altériste islamique, mais disons que je ne partage pas tout à fait leur islamophilie. Voilà. D'accord. Sans tomber dans l'islamophobie, c'est juste que quand on est français, on défend les racines chrétiennes de la France. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est une question de plus ou de moins, c'est comme d'ailleurs les empoisonnements, c'est une question de concentration. Je crois que, je ne sais plus qui disait que la dose fait le poison. Oui, c'est absolument. C'est... Brassel, je crois, disait ça. Ou d'ailleurs, comme la cuisine, on ne met pas, je sais pas, un litre d'harissa dans une choucroute. C'est ouais, tout ouais. simple. Mais en tout cas, la question d'égalité et réconciliation est très intéressante, puisque c'est à partir de quelques bouts de ficelle, ils ont quand même réussi à acquérir une force de frappe assez impressionnante. Et moi, ce que j'espère, si vous voulez, c'est que cette contre-société qu'ils ont mis en place et cette force de frappe médiatique qu'ils ont mis en place s'oriente davantage vers l'héritage spirituel de la France et voilà. se dégage de ces vieux démons de gauche qu'ils cultivent encore. Mais je pense que voilà. Et cet antisionisme systématique, me semble-t-il, outre qu'il est totalement stérile, et erroné. Enfin, si vous voulez, c'est que. Pour vous, c'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est hors voilà. sujet. Je pense à quelqu'un d'autre qui est très fort sur le créneau de la nouvelle opinion publique, c'est à Dieudonné. Lui, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il sait utiliser les méthodes. Tout à fait, oui. Le problème de Dieudonné, c'est qu'il ne fait pas de politique. Hein. Et je pense que la France, de vous à moi, il n'en a rien à cirer. Hein. Ça n'engage que moi ce que je dis là, mais je sens pas en lui un amoureux de la France chrétienne et enracinée. Quoi. Voilà, c'est ça. En revanche... Ce qui ne retire rien à son talent. Hein. À son talent d'abord, et à son... À sa faculté de sentir le terrain. Mais ça, pour le coup, Dieudonné... incarne, si vous voulez, il démontre que la nouvelle opinion publique peut accoucher vers des choses économiquement solides et viables. Voilà. C'est ça, pour moi, ce que je retiens de Dieudonné. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des talents. Mais il y en a en France. Hein. Il y en a de plus en plus. Et il y en a qui s'éveillent, il y en a qui se découvrent. Moi, j'en vois, j'en soutiens. Je pense que dans les années à venir, ils vont émerger. Mais ceci étant, la question de fond qui nous est posée, c'est de renouer avec l'héritage spirituel de la France. Voilà. Et tout ce qui n'est pas fondé sur l'héritage spirituel de la France n'a strictement aucun avenir et aucune finalité politique véritable. Vous savez, dans les évangiles, il est dit « Toute plante qui n'est pas plantée par mon Père Céleste sera déracinée ». Voilà. Alors, eh bien, oui, mais ici, à Radio Courtoisie, par exemple, vous avez, je crois, une espèce de concentration de gens qui sont justement, qui se réfèrent et qui sont nourris de ces valeurs. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une des conditions nécessaires. Mais l'autre condition nécessaire, c'est peut-être cette révolution de la communication qui permet de toucher le nouvel opinion publique. Mais vous savez, ce que vous dites est très intéressant, puisque vous savez que Serge de Beketch a une deuxième vie sur Internet. Serge de Beketch a une deuxième vie sur Internet, c'est une des stars de la nouvelle opinion publique, parce qu'il y a beaucoup d'extraits de ses émissions ou d'émissions entières qui circulent sur YouTube, sur Dailymotion. Et Serge de Beketch bénéficie d'un très grand capital sympathie. Mais c'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que Radio Courtoisie représente la vraie droite, la droite qu'on aime, la droite d'avant 44. Et que la nouvelle opinion publique, quand elle va au bout de sa logique du rejet du mondialisme, revient à l'héritage spirituel et revient à cette droite authentique. Donc la jonction se fait, tout simplement. Il est un peu le Joe Dassin de la politique. Ah, pour moi, Beketch, c'était le premier dissident. C'était le premier dissident, Serge de Beketch. Et il a, je suis content, je ne savais pas qu'il avait cette deuxième... Tapez son nom sur YouTube. Oui, mais je vais constater que je vais rarement sur YouTube, mais c'est intéressant. D'accord. Ça, c'est une excellente nouvelle que vous donnez là. Si vous aviez à conclure pour ce soir sur le sujet que nous avons abordé, qu'est-ce que vous diriez ? Sur la question de la migration. Des migrations et justement des discours qui sont tenables ou pas tenables, je veux dire, la modification. La seule façon d'inverser la machine, c'est de détruire les principes qui ont conduit à cela. Tant qu'on ne s'attaque pas aux principes, tant que ces principes sont au cœur de nos institutions, et bien c'est comme l'hydre de Lerne, les têtes repousseront. Donc il faut, si vous voulez, l'objectif, ça doit être de renouer avec notre héritage spirituel, sinon eh ben effectivement toute la Scandinavie va se déverser sur la France. Fermer les lumières alors, en quelque sorte. Exactement. Il faut fermer les lumières. Et on l'a déjà fait, ça peut être refait et ça sera refait et la Providence n'abandonnera pas la France. Ah ben ça, c'est sur cette excellente nouvelle, je suis tout à fait d'accord et je crois qu'on va devoir rendre l'antenne. Adrien Bozit, merci. À Bozit. Oui, tout à fait. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir.